nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonné. Comme d'habitude, on commence par Gary Warvué, l'émission 413, Père Rantrizek. Voilà. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un adjectif qu'on entend de temps en temps et qui n'était pas très employé par ici, mais qu'on entend assez souvent dans le breton d'aujourd'hui. C'est cloc. K-L-O-K. Qui veut dire? Qui veut dire complet, achevé. Par exemple, on a publié les œuvres complètes d'Angela Duval. Obérez-nous, cloque, Angela Duval. Voilà. Alors, on l'emploie parfois aussi comme adverbe. Par exemple, on va dire, Grèsmezé, cloque à bras. J'ai fait ça complètement et joliment. Voilà, pour quelqu'un qui est satisfait de son travail. Voilà. Alors donc, on l'emploie donc, comme je l'ai dit, comme adjectif. Ou comme adverbe, et on en a fait un verbe également qui est cloquat qui est complété, hein, achevé, donc participe passé, cloquat. Cloquat, ça s'écrit quoi. Hein. Voilà. Alors, on peut même aller plus loin dans la perfection en disant perglock. Alors, perglock, ça veut dire vraiment terminé complètement. C'est ce qu'on dirait parachevé en français quoi. Voilà. On reviendra sur peur tout à l'heure. Et le contraire, diglock qui est la inachevée, hein, comme la symphonie. Voilà, diglock. Alors, pour compléter un formulaire, par exemple, on va dire, on peut utiliser cloquat. Hein. Souvent, on utilise plutôt leniant, hein. Leniant qui est remplir, en fait. Hein. Voilà. Alors justement, cette notion d'achèvement est souvent traduite par l'âne. Voilà. Alors, quelques expressions qu'on peut entendre. Hermis cloc, un mois complet. Hein. Voilà. Alors, donc je disais qu'on avait l'âne aussi, hein, qui est très, très employé, hein, qui est un mot qu'on trouve dans toutes les langues celtiques. Alors l'âne, on a déjà fait une émission là-dessus, donc je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est bien sûr très employé. Et puis il y a une façon de faire en breton qui est très très employée, c'est peur, qu'on peut mettre pratiquement comme préfixe devant n'importe quel verbe d'action, hein. Même devant achever, peur échuine, hein, c'est parachever en fait. Hein. Alors on peut le mettre devant n'importe quel verbe d'action, j'ai dit, hein. Donc il entraîne en principe une mutation adoucissante. Par exemple, on va dire peur zébi, peur zèbre, là, on dit peur zébi me rouen, hein, pour terminer mon dîner, par exemple. Hein. Peur d'iskin, ou plutôt peur ziskin brezondek, hein, finir d'apprendre le breton. Voilà. On n'a jamais fini, mais enfin bon, on peut. Peur zérien est, hein, finir de ramasser la moisson. Hein. Voilà. Voilà, j'ai dit peur glock tout à l'heure. On peut dire peur glock ad aussi, finir d'achever. On aime bien en breton les redondances comme ça. Voilà. Donc voilà, un nouvel adjectif, glock, hein, qu'on n'entend pas très très souvent quand même par ici. Parce qu'on utilise plus l'âne, peut-être. Oui, l'âne, oui, ou peur aussi, hein. Parce que peur, on peut le mettre devant n'importe quel verbe, quoi. Mais il faut s'habituer à entendre des fois des mots qu'on n'a pas l'habitude. Sinon, on dit toujours n'est comme un masbraison. Mais si, mais simplement, il y a des mots plus usités dans certaines régions que dans d'autres. Bon, ben, cloguenafers. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezonnek temps matin. Thank you. Et on passe à Brezhoneck Tambre ma Tambre. C'est la seconde partie de cette émission. Hentar Brezhoneck, c'est toujours un dialogue. Un dialogue qui nous amène à Zantolog. Zantolog qui est une commune qui a de la chance. Parce que là, on va parler pêche et qu'à Zantolog, il y a le Blavet qui passe. Bah oui, qui a le Blavet entre Zantolog et Plouderien. Mmh. Donc là, on va aller voir Job Gilcher, qui est le meunier de Kermakal et qui est aussi un fin pêcheur. Salut Job, ma Dieu. Ya, Chanig Nahui. Matré. Mais l'arrêt dit, Job, rue et pas d'Arviline. Ah, ya, Pemse Glasso, moi, Hadlan, c'est de Miline Kermakal, Vidober, Bleu de Gunis du. Mais, goût de Randori, Pesquetta. Ah, ya, Guiri. Ah, Prestig, vos digor, à Besqueteres. Ya, Ben Terzun, vos digor, ya. Ah, Prestor. Ah, ya, Prester, Binzio. Mon heure doit à Blaves, da Besqueta. Ah, Zuroir, Vel Custum, Pewarwaz, Nero, Rouge, Matrezen, Gueletvo. Chance va d'or, ne hein, job. Donne rien de vélo d'un renor, voir l'air à dire au goradur. Ya, ben, tiens rien, t'en as un chanique. Tiens, eh ben, on va le reprendre, ce dialogue. On tout ça. Un petit peu plus lentement, pour mieux le comprendre. Voilà. Chanique donc demande à Job, salut Job, ma je. Oui, comme d'habitude, hein. Voilà, il y a chanique, narui, formule de politesse. Et vous, hein. Matré, mais l'arrêtine Job, rui et peau d'arviline. Voilà. L'arrêtine Job, hein, dites-moi, Job, vous êtes littéralement le gars du moulin, hein. On pourrait dire un millénaire aussi, mais pas d'Arviline, hein. C'est pas mal. C'est mieux même. Ya, Pemzeg Vlasso, meus adlancet Miline Kermakal, Vidober Bleu de Guinis du, répond Job. Voilà. Pemzeg Vlasso, il y a 15 ans, meus adlancet Miline Kermakal, j'ai relancé le moulin de Kermakal, et Vidober Bleu de Guinis du pour faire de la farine de blé noir. Mais Gouderan, or, il est pesquetteur. Mais je sais que vous êtes aussi pêcheur. Oh, ya, guiré. Ah, ya, guiré, c'est vrai. Après Stig Vodigor, Besqueteres. Voilà. Après Stig Vodigor, et bientôt sera ouvert Besqueteres, la pêche. Donc ce sera l'ouverture de la pêche. Le 13 mars, je crois. Oui, le 13 mars, oui. Ouais. Ya, ben terzun Vodigoret. Ya, ben terzun Vodigoret. Hein. Dans 3 semaines, ce sera ouvert. À Prestor, demande Chandy. Voilà, et vous êtes prêts? Ah, ya, Prester Arbinview. Voilà, oui, les outils sont prêts. Hein. Arbinview, donc la gaule, les puisettes, enfin tout, les hameçons, le fil, les plombs, au Bertraus Odeveld. Hein. Ouais. Les flotteurs. Les flotteurs, tout ça. Monderidoire Blaves, la Besqueta, demande Chandy. Oui, Monderidoire Blaves, vous irez sur le Blavet de Besqueta pour pêcher. Zurwa, vel custum. Voilà. Pévar, guazin, erroru, quel êtes-vous? Voilà. Oui, Zurwa, sans doute, comme d'habitude. Bien sûr, là, il va rester très évasif. Les pêcheurs ne donnent jamais leur coin. Pévarwaz, erroruz, ou bien sur la rivière des erroruz, qui est un affluent, là, qui passe à Pont-de-Gosvinine en bas de Pemrit, là, et qui est la plus belle rivière de Bretagne, hein, d'après Erwan de Brenberg, hein, qui irait. Chance va d'or, ne hein, job. Donne rien à vélo d'un renor, voir l'air en digora dur. Voilà. Alors, bonne chance, Job. Donne rien de vel renor. Je viendrai vous voir, voir l'air en digora dur, après l'ouverture, pour voir, faire le bilan. Ah ouais. Tiens rien de temps, Chandic. Voilà. Tiens rien de temps, Chandic. À la prochaine, Chandic. Bon. Et c'en est terminé de ce dialogue. On passe à Petra Zonévervro maintenant. Voilà. troisième partie d'émission, Petra Zone Viervro Eri. Petra Zone Viervro, calze draw et veljus, boervej di ouzan. Tramène des, vraiment, misienva, a guérion bamis huire. Huire bien, velar et me mango, sa alice, veamzer yin, a scambras, a air a vejo, pas de mis huire. Ag, red et diwal me mesra, roglar des échures guan. Red et gotas, ve tramène de mis huire. Le blanc de ce mesclève ne vaut que quoi, calze, et yindor bamis weir, tient en vos glos à gravel, mais, warren que de matresse d'un bordeaux que c'est. Bon, c'est du, calze drauzo, de l'art ou à un amzer, hein, puis dur velar et tomor un amzer, vide, brigel. Bon, well, vos pissamo de vos comptes. Wardash en l'art bourdouar, comme je vais calze en marément, de ce pagnevi, puis dur, leur pag et, politiqué reste là pour douar, babro europa, à babla mille noran, deux à trégon, deux à triug, une pelar in mat, n'est que tienne de cause, bon, de l'ardé, rentre quand de la soupe, on tombe mûr, ou à bella que wardrod, leur pag, ou à bella que wardrod, mais de houls, ou à estor, puis dur, ou que mes huer bro, babro europa. Ou à l'air, n'aime vaut de Rome, traité de Rome, une galac. Ag, évêle juste, ou à Estor, on tombe, une trou. Puis, je crois que, mais, à Roise, déjà, ou à Sterdoir. Quand, voilà, en politique, très tout de brouillouse. Bon, boué, arpac, ne change qu'as, tombe à tombe, vais change. Ag, vraiment, ne bablaye aux os, vais j'ai comme je des une DPU. Ag blanc roman vous comme vous êtes dans une DPB. Ag bon un tuel d'une DPB ou vous haute d'une dude vous raisi courir au glace d'une dude ag virion et un trous au lieu Edouard. C'est du pereg vegré des mvod ou quand comme la bourdouer et vi display quand de la bourrer un douer pesamote vos calculs d'un zicourios. Mais ni que voilà clair un trou l'aine muscale je trouve bah magasiné nous bon ni que voilà clair ouais mais clair un dream hard en fait je peux l'écouter bon Warda chaîneur politique hieres tosta de Rome vraiment de zone vote à dégoût évidemment pas rouge ah c'est tu Roger Pem de Jevise meurs au raid disclairiant listé nous ah bon vous quoi le pis ça monte vos comptes vraiment ne fait que quoi le chin Puis ne bedouar me mettra un dû de ronde de gambal, il va lui chéguette, Gwegel, hein, Gwegel, au sacré larbre, on monte gambal, il monte vel tout d'un dû, à paix au chopinado, zévec gretine. Mais tiens, t'en fais gwel, d'oir gazeté, nous, ractresse, péblisten, hein, à paix une jonge d'ober, ma halagne bopette. Ag, gand, votade, vous avez gwel, ractresse, ou autant de mes, ouas. Evel da square, actrice Gwen Gambras, bon, matresse, dernzo eneb, dernzo evid Gwen Gambras, guelvo, pesamo de vos comptes, ben, nombre de zones. Wardachen, zévenad, yon vraiment, zo calze drogue de l'art, et leur végement, de diantante, comme ze zobit, ben, comme une députée, deux, carta, yezou, minorel. Milar fait tientor carta, riez ou guasket, plusieurs des autres, de ce virion. Agen député, Lian Jacques Zurvoise, un skinig, un dent de vélezen, et vide halfé, brovran, zinan, carta, riez ou guasket. Mais de bonne, tramenade, lezen ze, tramene de mord, et mames, plusieurs obés de spentri, hon, triugen, député à de ce vote visé, mais de bon, mestra, zobit de, quand hanter quand, et ne, puis sous ouais, usuar, puis véjonjet, et bro France, bro, cuir de Mabdin, le pays des droits de l'homme. A zo kaven, même mestra, quand hanter quand, dut, ag zo et ne, de zorguir, ag glef et bout de, heuille, quand tout d'or vroy ou bénéfine. Un DL me sclève de, or politique ou rare de ce Paris, Henri Guénaud, à Angelaret, Puis ça m'a doisé une de Lesenvillers-Cotteret. Lesenvillers-Cotteret, ou à bête, ou à bégret de grande fange tchante, les eaux pèmes quand l'asso, à sens, les eaux de zéro antelles, n'y qu'une moitié de ma république, à vous scout de védère de comms de ce Villers-Cotteret. Bon, on tombe quand m'a dit, hein, vide, vide, Jésus, quoi, ce que devait leur embrasser, donc. Mais, hier, vous, nénoise, qu'a appelé Yann de Zigaz, hein. Plus du rare, vous, Redmond, direct, Camperigos. Goudrick Plater et Ramborigos. Un sénat, il y a. Puis Géraldine, non, c'est plus dur. La Camperigos, plus dur. Et Zé Essence de voûte. A Goudrick Tremendre, direct, Camperigos. A Waller, vous, Red Tremendre, direct, Parlement. Tout l'heure, des sénatoires, à une députée. A Rois, du roi, vos scoïs, ou là, que de grande, Cusul Stade, grande Cusul, Lesenstur, Conseil constitutionnel. Bon, sais-tu, quoi, la de Pelle Ombroise de ce, Paul. Hag, bon, Pigeon Jean-Demain de, Pessouroise, Jacobine Zouba Paris, mais Jacobine Zouive, vrai, en vrai, en main. Hag, quoi, le devait-y, Alice, PV classe, que d'or, Orlas, dit Ouiezek, P, Oskol, dit Ouiezek. Et Jacobine de Zevro, homme, glace distruge, pèse végrette. Avec Nick et Redmond Gualbel, Vigualzé. Bon, donc de là, Pellor. Virion est, d'azon d'embraison, ne gusotre d'awar ne vretonnet. Anne que gandawa, gander politique courrien de Zlerel. Mais Gualeret, Gualeret vait toute pèse au Bégrette, vide d'embraison, zo Bégrette en manquant tu de Yulvot. Cool ce scolage, ouvert le radio, ouvert l'RKB, pis. Tout pèse au Bégrette, zo Bégrette, quand tu de Yulvat. Un DL, ou, prige, ou, en présent, de Gusmat, zo Bérode, bah, pond d'abat, ag, blanc, me one bipid, c'est une mesouelle de ze dos, pèse à mode, non drame, n'en trop. Ag, pèse de spli, je dis, bon, clève de, vers un discours, y'a zo, elle juste, d'Hermann, mais, brison de guerre, blanc, et malo, bouessel du bourg. Elles ont rien produit de Bryce, produit en Bretagne, en Galles. Hag, ne plus jeter une pèse neuslar, déjà, ne se comme de zidot, neuslar d'idon, ou à la bourre de vie d'emprison, donc. Mais, in, ou à que bédinor, de gouéjebet, tant, mais à l'aube au ciel du bourg. Hag, neuslar, de, on tente pèse lar en dar, en main, en mesure de zon d'emprison, donc, je vois très youl, très d'avoir une œuvre tournée, quoi. Dès que Grotas de Zlerhel t'a fait Zikour à Dreistol passe, Zikour gandré ne zlak ne zgré de seis pots sub vihars en brison d'un don noiroc. Bon, c'est une dix, Hindel ou Ardachen, Zévenadur, zo Béantro, Maharément, NDL ou pardon très malgat, bon, Nilis au Bézère passe peine d'églin, vraiment, ou pardon très malgat, ou Béantut, Ag, zo bégrède, tout pèse au sens, de la radé ou à l'air en averne, de brohution, une tentate, ag, guerre ze trou, velvige grède, guégel, grand n'incant, ma besoin, ag, bon, calze obligea dur zo bégrède, ag, un dix, encore près de zo à l'air, et vel juste, hein, car, rédimonde de stôle ou à l'air, ag, un temps, bon, bah, margor ou à part, dans un dix, croise, bah, la niscat, à bah, quoi de mail, hein, me bat, melbistil. Sais-tu, bon, c'est, pardon, y'a au port de Gouan, pardon, y'a au tient tant de port de Gouan. Bon, wardache de Zévena, durna, un roise, allan, un os, tach, ne se grède au lever, dit warben, ivué, de gont au pessamone, ne se grède zé, quoi, pessamone, ne se béyet, pessamone, et deux de voudo, leur livre, Ag, bon, les omates. Puis on change, alors, livour, on dénard, Guédard, Hervé Guédard, Gaftine et Iran, un esgré de lever, voire, bu et, Cérusier. Paul Cérusier, au livour, doit que gagne de Braise, mais deux doigts de chaume Braise, à quand malade, doit bête, gagne, Goga, à tout de risque. Ag, croue, noix, au, Or, strolade, Livourien, ouais, les nabis, quoi. Hemo a nabi botoquat. Hag neus gret kalz eto len o ker tre war ben ur vro. Setu hendel zo war leverio zo bet im bande d'arrez, zo im bande do lever war bue o ur meskol baz an dern, hag hez oa tat kem, neus ke zonj pez a hant tre e plar neus gret ze, mona e gaftin mona an dra neket, ya mona toma, ya, oan klask, ma me va perio, hag bon meskelen e de lever zo, met plusieurs adin, plusieurs afedin, ka, gen deus velan, gle bout an dra bratri, quoi. Bon, setu, on tom trom, ged war evro, war zevenadur, war alors Bordeaux, war, setu, poen edin e chui, l'ar kenavo, nan, de tout de chilo aérien. Kenavo, Eri.